toujours de plus qu'un jour de moins, je fais la même chose. Mon terre hier, mon terre demain, je mets la même dose. J'essaye de stopper le cycle. Nina, arrête de me faire un cirque. C'est ma santé, pas la tienne. T'inquiète, je vais arrêter la cible. Ton visage a changé à 17 ans dans les acides. T'étais la plus belle au collège. Maintenant, qu'est-ce que t'es dégueulasse? Je suis choqué, toi aussi, quand tu te regardes dans la glace. Ne touche pas avec un doigt, à la limite, un coup de masse. Tombe pas quand je crosse, pas direct, pas de coup de crosse. Reste pas dans les parages si tu veux pas un coup de gueule. Tu me vois faillir sur un stage, t'as des coups de gueule. Ils comprennent pas quand on parle, comprennent qu'avec des coups dans de la maisonnée, on pourrait parier. Dans quelques années, même pas y'aura bon cash dans le cachet. Y'aura bon cash dans le cachet. Oh, y'aura bon cash dans le cachet. Dans la maisonnée, on pourrait parier. Dans quelques années, même pas y'aura bon cash dans le cachet. Y'aura bon cash dans le cachet. Oh, y'aura bon cash dans le cachet. Je rentre dans le terminal, je rentre les notes dans le terminal. C'est vos rappeurs, c'est terminé. 2019, Lyon, on va faire mal. Je veux pas avoir qu'une petite pièce, je veux pas empiler des caisses. Pour faire un billet, pas de trêve, tire sur Jean, tire sur ses tresses. Dans la trappe, auto, pas de scène, grand public. Sale boucham, tu parles sur nous, mais sur le clip, tu cliques. On n'arrête pas de les tuer, traces de drogue dans le studio. Qu'au tir de ma capacité, comme si j'étais la démo. Dans la maisonnée, on pourrait parier. Dans quelques années, même pas y'aura bon cash dans le cachet. Y'aura bon cash dans le cachet. Wow. Y'aura bon cash dans le cachet. Dans la maisonnée, on pourrait parier. Dans quelques années, même pas y'aura bon cash dans le cachet. Y'aura bon cash dans le cachet. Wow. Y'aura bon cash dans le cachet. Tant qu'avec personne, personne tire. Personne aide pour pop. Ils ont même pas vu le pire. Ils ont même pas vu le pire. Mince, je déclenche un moche pit. Après le concert, je me fais aborder par une pute mince. Je déclenche un moche pit. Bientôt le cancer parce que je fume comme un rastam. Je talk avec Audemars Piguet. Lui demander quelle heure il est. Et j'ai capté, y'aura plein de billets. Je sais pas si elle est bonne ou bien maquillée. Je veux croire qui. Moi pas dans la cible car c'est pas de l'eau. RIP Yonglin. RIP Vitolo, je vais être comme Django. Mais avec des chaînes qui brillent. Y'a beaucoup de corpo. Beaucoup de putes qui queen. Genre je veux talk avec personne, personne tire. Personne aide pour pas. Ils ont même pas vu le pire. Nous en France on est plein de roupies. Dans la maisonnée, on pourrait parier. Dans quelques années, même pas y'aura bon cash dans le cachet. Y'aura bon cash dans le cachet. Wow. Y'aura bon cash dans le cachet. Dans la maisonnée, on pourrait parier. Dans quelques années, même pas y'aura bon cash dans le cachet. Y'aura bon cash dans le cachet. Wow. Y'aura bon cash dans le cachet.